de l'allemand par Leila Claire Rabi et Franck Végan. Enregistré au Festival de la Mousson d'été, le 24 août 2017. Réalisation, Baptiste Guiton. J'en ai marre de ces couples. Ces couples qui te sautent dessus sans arrêt parce qu'ils ne supportent pas la vie à deux. Marre de ces célibataires. Ces célibataires avec leur baratin mensonger sur la liberté. Marre de ces artistes. Ces parasites qui enchaînent les bourses. Qui élèvent les petites aventures fades qu'ils ont entre eux au statut de drame intime et engagé et polluent ainsi l'atmosphère. Marre de ces cosmopolites, ces donneurs de leçons à la barbe de trois jours qui se sentent tellement ouverts sur le monde juste parce qu'ils ont traîné leur godasse pendant quelques mois à travers l'Amérique du Sud avec leur sac à dos à la con. Marre de ces maîtresses qui se moquent des épouses de leurs amants et qui se prennent pour quelque chose de mieux, de plus intense. Marre de ces maris infidèles, mensongers, prétendument bourrés de remords. Marre de ces maris pas infidèles, mensongers, prétendument pas frustrés du tout. J'en ai marre de ces sympathiques buveurs de vin rouge avec leur sympathique nez d'alcoolique. Marre de ces vieux schnocks de galeristes avec leurs jeunes asiatiques de femmes. J'en ai marre de ces agents gays et branchés accompagnés d'êtres au sourire creux. Marre de ces sportifs, méchantes créatures qui, tous les matins à 5h du mat, courent dans la pampa, dans leur fringue thermique à la con, et se vantent d'être en forme équilibrée. Marre de ces fumeurs, marre de ces anciens fumeurs militants, marre de ces salauds de fumeurs occasionnels, marre de ces alcooliques qui, dès 17h, disparaissent dans leur sempiternelle boucle réflexive et discursive, qui puent, qui gesticulent et puis s'écroulent, de sorte qu'on est obligé soit de les laisser là avec mauvaise conscience, soit, en grinçant des dents, de les prendre sur son épaule et de les traîner chez eux. Marre de ces cocaïnomanes, ces coques gonflées à la chimie. Marre de ces fumeurs de shit, ces philosophes de divan qui boivent du thé avec leur éternelle boîte métallique plein de haches. Marre de ces abstinents, marre de ces grands écrivains engraissés et suffisants dans leur miteuse veste de grands écrivains et qui coulent leur propre mythe dans le béton. Marre de ces épouses de grands écrivains qui courent derrière leur mari armés de brosses pour leur enlever les pellicules des épaules. Marre de ces musiciens vieillissants dans la dignité. Marre de ces actrices aux cervelles vides et aux petites voix piaillantes. Marre de ces auteurs de romans sur la chute du mur avec leurs pavés de 1000 pages, plein de souvenirs d'enfance mornes et tétanisants. Marre de ces greluches de la production culturelle, ces abeilles industrieuses avec leurs bacs à mention très bien et leurs dents de requin. Marre de ces politiques régionaux qui pérorent, qui croient avoir une idée de l'art seulement parce que maman les a un jour traînés dans une expo de Dali quand ils avaient 12 ans. Marre de ces amis des chiens, ces excentriques déçus par leurs semblables qui abusent de l'animal comme s'il était la dernière et intarissable source d'empathie encore disponible. Animal qui se frotte contre n'importe qui pourvu qu'on lui donne à bouffer et qui pour ça met son honneur d'animal au clou. Marre de ces femmes à la maturité avancée, au look de Lolita qui traînent et piaillent dans les bars des grandes villes et couvrent leurs ovaires desséchés de petits manteau rose. Marre de ces réseauteurs internationaux avec leur débile ordinateur portable au prix exorbitant sur leurs débiles genoux internationaux. Marre de ces blagueurs qui, à chaque table ronde, se sentent obligés de marquer les points par leur élan verbal. Marre, marre de ces discours d'éloges mielleux et lèche-cul J'en ai marre de ces beautés qui se comportent comme si elles avaient mérité la sympathie du monde par quelques nobles traits de caractère, alors qu'elles restent plantées là, bêtes comme des saucisses, et que des balourds en rut leur mangent dans la main. J'en ai marre de ces artistes anticapitalistes au beuglement financé par nos impôts, qui comme des chiots, mordent la main qui les nourrit, sans laquelle ils auraient crevé depuis longtemps dans un bureau s'entendre enfermer avec un caoutchouc dans un coin. Marre de ces collectionneurs d'art. Marre des comiques, ces lémuriens incapables de vivre, marre de ces narcissiques traumatisés par leur thérapie avec leur complexe paternel et leur phobie maternelle, marre de ces poètes, écrivaillons de lettres d'amour et contemplateurs de feuillets, frappés de diarrhée émotionnelle, ces cultures de serre pour âmes nobles avec leur petit recueil de poésie à tirage minimum subventionné par l'État. Marre de ces artistes qui présentent des installations. Marre de ces étudiants en cinéma et de leurs discours à la con, ces agitateurs de lunettes sans poils pubiens mais qui ont tout compris à Godard. Marre de ces femmes, marre de ces enfants, marre de l'humanité entière. Bon, salut, hein. J'y vais. Ouais, vas-y, hein. Va à ton événement, hein. Amuse-toi, hein. Enfin, essaie au moins. Je vais te dire qui de nous deux passera la soirée la plus stimulante intellectuellement. Moi. Parce que je suis en meilleure compagnie, en compagnie de moi-même. Et en plus, t'es sérieuse. Va, vas-y, récolte de mensonges et compliments dans ton petit panier de collectionneur. Colle-toi au basque de gens super, super importants. Hein. Ah, et surtout, n'oublie pas de te bourrer la gueule. Hein, parce que se bourrer la gueule donne de la couleur à n'importe quelle viratée, même à la tienne. Hein. Mais c'est pas de ma faute si t'as pas été invité cette année. Ah, on ne m'a pas invité parce qu'on savait que je ne viendrais pas. On ne m'a pas invité parce que, avec un reste de conscience de ce qu'est la délicatesse, on a voulu m'épargner l'embarras de devoir inventer une excuse au fait que je ne viendrais pas, car on sait bien que je ne sais pas mentir. Bien sûr. Et oui. Et oh, tu ne crois quand même pas que je me serais laissé gâcher ce beau vendredi soir par un tel événement. Bien sûr que non. Beaucoup sourire, beaucoup mentir. Oh, belle soirée en perspective. Eh ben moi, j'aime bien sourire. Et est-ce qu'on doit tout de suite considérer une petite exagération bien placée comme un mensonge ? Et tu mentiras. À partir du moment où tu franchiras le seuil de l'événement, tu mentiras sur ton humeur, tu mentiras sur le degré de joie à retrouver telle ou telle personne, tu mentiras sur la saveur des amuse-gueules, tu mentiras sur la beauté des corsages, sur la qualité des œuvres, sur le comique des blagues. Des mensonges philanthropes inventés par les humains pour ne pas s'étriper. Et parce qu'il est fatigant de tant mentir, tu vas te bourrer la gueule. Oh. Et l'habitude t'ouvrira une fenêtre par laquelle tu pourrais balancer avec désinvolture la vérité dans la maison de l'hypocrisie comme un cocktail Molotov. Mais avant ça, tu vas t'engouffrer dans un taxi, rentrer à la maison et brûler toutes ces belles cartouches ici, dans le salon. Insulter les gens en état d'ivresse n'a jamais sauvé le monde. Ça ne mène qu'à des blessures intérieures et à être interdit d'accès. J'avais raison. Ah oui, tu avais raison. C'était très intelligent de traiter le rédacteur en chef de Technique Art de Goebbels nain. Mais s'il est un Goebbels nain. Il n'y avait pas d'urgence à le dire en public. Ah bon, ah bon. Alors, quand on rencontre Goebbels, on ne dit pas bonjour Goebbels, mais bonjour Tournesol ou quoi. Hein? Et puis qu'est-ce que tu veux? Il fait 1m68. C'est nain ou pas? Mais c'est un vrai mec de gauche. Ah, qui se sert très à droite dans le discours. Son grand-père a été assassiné à Auschwitz. Mais raison de plus pour garder ses distances avec des figures de style fascistoïdes. Ah, manquait de tact. Mais pas de vérité. Vérité et tact ne sont pas les meilleurs amis. C'est ça, ma petite Fanny, c'est ça, ouais. La société avait de bonnes raisons d'inventer la courtoisie. Ah, mais sauf que Madame Courtoisie est une salope qui écarte les jambes. Et de préférence à l'ignorance, la fausseté et la sensiblerie. Tu réclames une sincérité absolue ? Alors je te dis très sincèrement, je me fais du souci. Pour moi ? Si tu continues comme ça, tu finiras dans un endroit très très très obscur. Oh, qu'est-ce que ça peut bien être comme endroit ? Ça s'appelle la marginalité sociale. Ah, il se trouve que c'est mon endroit préféré. J'y ai déjà gravé mon nom dans l'écorce de tous les arbres. On te respecte encore. Oh, écoutez-le, encore menaçant. On respecte ton opinion, mais pas ton attitude. Et pourquoi est-ce qu'on respecte mon opinion ? Parce que je suis incorruptible. Toi et ton blog sans publicité, oui, oui, pour ceux qui peuvent se le permettre, nous autres, on doit se nourrir. Oui, depuis qu'on a divorcé. Mais déjà avant, je me nourrissais moi-même. L'épouse de chirurgien a pu s'acheter seule la moitié de son loft de 200 mètres carrés grâce à sa chronique hebdomadaire Tendance dans un magazine en ligne. Klaus et moi, on n'a jamais fait les comptes. Ah bah, voilà pourquoi la vérité n'a jamais été mise au jour. L'homme, dans le monde des idées, peut être infaillible, mais le vrai, en chair et en os, a ses points faibles, ce qui le rend sympathique. Me reprocher mon échec financier et amoureux, c'est pas très classe. Fanny, mais l'échec, je m'en fous. Fais ce que tu veux. Tu peux habiter ici aussi longtemps que tu veux, gratos. T'es même pas obligé d'acheter le pain. Tu es mon ami. Et j'attends de mes amis qu'ils soient sincères, surtout avec eux-mêmes. Alors commence par toi-même. Passe une belle soirée, espèce de terroriste de la vertu. Je déménage à la campagne. Karl, bonsoir. Non. Tout le plaisir est pour moi. Oh, il a apporté son instrument d'horreur. Oh, s'il y a quelque chose que je déteste, c'est les jeunes avec des guitares. Parce que tu n'as pas la fibre romantique. Oh, ne me dis pas, s'il te plaît, que tu es encore tombé amoureux. À mon âge, on en est encore capable. Ah, toute ma sympathie. Plutôt de l'envie. Ne me dis pas, s'il te plaît, que tu as encore écrit une chanson d'amour. Puis-je enfin pincer les cordes? Oh, Orlando, c'est très difficile d'écrire une chanson d'amour vraiment bien. Ça dépend du sujet. Non, non, non. Justement, ça dépend de ton attitude. Tu comprends? Le mot poésie ne vient pas de pause. J'aimerais bien chanter cette nouvelle chanson pour notre concert samedi pour les rappels, en acoustique. Ouais, parce que tu espères qu'elle sera là aussi. Hein. Tu espères qu'hypnotisée par la grandeur, muée en art de ta parole et de tes sons, elle finira aveugle et consentante par trébucher dans ton cœur grand ouvert. Mais juste une prolongation de ta bite, ta chanson. Comme tout art, sauf le tien, bien sûr. Ton art, ersatz de bite. Je ne fais pas de l'art. Mais tu n'en fais plus. Pas ou plus, ça ne fait aucune différence. Le fait est que vous faites de l'art et que moi, je n'en fais pas. C'est donc votre responsabilité, pas la mienne. Ouais, ouais. Je peux maintenant ? Non. La chanson s'appelle... Printemps noir. Non. L'oiseau est mort, tombe de tous les arbres, c'est le printemps noir. Le vent chante faux, chante les rêves collectivement avortés, c'est le printemps noir. Et toujours il pleut, pleut, pleut, pleut, pleut, pleut, pleut, pleut, pleut, par la fenêtre de ma convoitise, que par bêtise j'ai laissée ouverte. Le tapis de mon espérance est moisi, il était si cher et ancien. Je suis celui qui vénère la lune la plus lointaine. En moi, fait rage une guerre sans nom. Et toujours il pleut, pleut, pleut, pleut, pleut, pleut, pleut, pleut, pleut, par la fenêtre de ma convoitise, que par bêtise j'ai laissée ouverte. Est-ce que j'ai tout foiré? Mon épée était-elle si émoussée? Ce n'était rien ce que j'ai attisé, ai-je si maladroitement désiré? Et toujours il pleut, pleut, pleut, pleut, pleut, pleut. Stop, stop, stop! Mais il y a encore 7 couplets! Voilà, je vais faire un cancer de l'oreille, hein. On ne parle pas comme ça à une star internationale du futur. Mais dans cette chanson, rien n'est juste. J'y ai mis tout mon cœur. Alors c'est qu'avec ton cœur, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Moi, je trouve que c'est assez réussi. Orlando, c'est kitsch. Ce qu'on ressent vraiment ne peut jamais être kitsch. Mais ce n'est pas vraiment ressenti, c'est mal copié. Et le motif du printemps introduit au début n'est pas maintenu. Le rythme cloche, la disposition des rimes est simplette. Mmh. Les métaphores sont à côté de la plaque et l'abstrait épouse le concret de manière la plus scandaleuse. Le dernier couplet est d'un larmoyant sans égal et il pleut trop. Tu as toujours trouvé mauvais tout ce que je faisais. Mais les gens aiment The Orlandos, les gens m'aiment. Pourquoi? Parce que je suis le porte-parole de ma génération. Alors, si j'étais le porte-parole de ma génération, je me tirais une balle. Hein. Oui, mais ta génération, c'est un tas de cyniques frustrés. Ah, mais la tienne, oh, des gens absolument authentiques. Hein. Nous n'avons pas peur de notre vulnérabilité. Mais vous devriez pourtant, hein, si votre vulnérabilité produit des choses comme ça... Oh, mais pourquoi je dois entendre ça? Je me demande aussi, tu vois. Hé, trouve-toi un autre critique, hein, s'il te plaît. Mais tu es ma mère! Justement, et tu sais très bien que je ne sais pas mentir. Je ne parle pas de mensonges. Je parle d'aborder les productions artistiques d'autrui avec un peu plus de délicatesse. C'est ce que je dis, des mensonges. Est-ce que tu pourrais mentionner notre album sur ton blog, en passant? Tu penses qu'on peut m'acheter? Oh, mais qui parle d'argent, mère? S'il te plaît. Ceux que tu recommandes voient leur chiffre de vente exploser. Ceux que tu démolis peuvent se tirer une balle tout de suite. Mais vous essayez de trouver un boulot convenable. Ce qui est à peu près la même chose. Bon, j'y peux rien si les gens s'accrochent à mon opinion comme des moutons. Mademoiselleagnès.fr. Comment, hardi, tu jongles avec les emblèmes d'une misogynie années 50. Tu en joues de manière post-féministe comme d'une arme et avec ça, attention, clin d'œil, tu ris au nez de l'âge. Merci. C'était plutôt ironique. Je sais, le merci aussi était ironique. Orlando, je te rendrai un mauvais service. Imagine un peu. Tu deviens célèbre, remplis des stades, te transformes en artiste disque d'or. Alors tu ne pourras plus chanter sincèrement la dèche, la misère et la vie à la marge de la société. Tes sujets devront être le succès, la belle vie et les joies du capitalisme. Ce que tu éviteras, car ce sont trois sujets assez merdiques pour l'art. Et donc, tu simuleras et tu mentiras et tu perdras l'élément le plus précieux qui fait l'essentiel de ta musique, ta sincérité. Merci pour la conférence, mais juste écrit. Non. Si tu ne le fais pas pour l'artiste, fais-le pour le fils. Bon, n'essaie pas de faire du chantage émotionnel avec notre relation particulière. C'est là que ça commence, la corruption. Et la corruption est déjà suffisamment à l'œuvre dans notre noble monde de l'art. Regarde les débauches d'éloges des auteurs célèbres sur les jaquettes des livres qui sortent. Damien Kallmann, oh, un chef-d'œuvre. Charlotte Broche, oh, ce premier roman est à couper le souffle. Hein. Aussi passionnant que même en branlant, je n'arrivais pas à le lâcher. Non. Mais tu crois que ce sont des recommandations sincères? La plupart du temps, ils l'ont même pas lu. C'est du marchandage de pommade, rien d'autre. Critique du système pour pas cher. Mais si tout le monde le fait et que tu es la seule qui ne le fait pas, tu n'es pas un noble anti-héros, mais tu te fais baiser. Bon, et cette attitude, exactement, mène directement jusqu'à Hitler. Mais non, mère, non, non, non, non. Oh, écoute, réfléchis-y un peu. S'il te plaît, juste une mention minuscule. Tu sais à quoi tu t'exposes, hein. Tiens, mon album. S'il te plaît, tu l'aimeras. Alors, vie... Orlandose, pas faire les choses complètement, ça. Si t'étais pas aussi frustrée, tu aurais bon goût. Oui, ben je ne suis pas frustrée, je suis exigeante. Il y a une différence. À propos de frustrée et exigeante, qu'est-ce qui se passe avec ce type? Ce type? Tu parles de Sacha? Oui, Sacha. Je ne veux pas te gâcher ton vendredi, mais je l'ai vu hier, à cette fête, avec cette femme. Et alors? Bah, ne fais pas comme si ça ne te faisait rien. Ton amoureux à moitié bourré au bar et dans ses bras une gamine super jeune, super jolie. Eh bien, Orlando, hein, ça va peut-être te décevoir, mais effectivement, cela ne me fait rien. Je te crois pas. Je ne suis pas quelqu'un qui a tendance à être jaloux. Je ne veux jeter personne au cachot de la fidélité sexuelle, enserrée dans la camisole de force de mon affection, ligotée par les chaînes d'un faux romantisme. Voilà, ça te plaît? Les images sont à la hauteur des textes de tes chansons, non? Je suis la personne la plus sincère de la planète et je n'ai pas besoin de mensonges. Ce type, précisément, toi et ce type. Oh, la véhémence avec laquelle tu rejettes Sacha est presque pathologique. Hein. Tu ne le connais pas. Il n'est ni faux ni méchant et rien n'est artificiel chez lui. Ce qu'il dit, il le pense et ce qu'il ne dit pas, ben, il ne le pense pas non plus, point. Il ne faillote pas, il ne crâne pas. Il se préoccupe tranquillement des choses qui l'intéressent. Il est là où la plupart des gens ne sont pas, c'est-à-dire en lui-même. Mais il est tellement... Nul. Insignifiant. Insignifiant. Qu'est-ce qu'il a réussi? Dis-moi. Oh, bah, il cherche encore. Ah bah. Faut lui donner un peu de temps, user d'indulgence, voilà. Garçon, champagne. C'est la première fois que j'entends ce mot de tes lèvres maternelles. Mais quel mot? Indulgence. Oh, lui, arrête. Si, si, c'est vrai. Quand est-ce que tu aurais fait preuve d'indulgence face à la faiblesse d'autrui? Bon, redescends un peu, tu veux. Sacha a bon cœur. Ah, et au lit, il est pas mal non plus. Hein. Ah non, non, non, ça... Que j'y fasse, je ne suis qu'une femme. Il est très doué, par exemple. Tu crois que moi, ton fils, j'ai envie d'entendre tous ces détails sexuels? C'est dégueulasse. Mais vous êtes tous tellement coincés, hein. Vous qui êtes nés dans les années 90... Pas coincés, discret. La discrétion est mensonge. Et le mensonge est la peste bubonique de la société. La prochaine fois que je verrai ce type, quelles images crois-tu que j'aurai en tête? Je ne veux pas savoir ce que fait ma mère. Je ne veux simplement pas le savoir. Oh, Sacha. Ton fils a un drôle de regard. Ah, il est en train de t'imaginer nu. Et moi aussi. Ah. Je lui ai parlé de tes fantastiques capacités sexuelles. Ça l'a complètement perturbé. C'était pas nécessaire. Si, c'était nécessaire. Pourquoi tu n'es pas allé à cet événement? Tous ces gens qui se réunissent au nom de l'art et puis personne parle d'art. Tout le monde parle vin rouge et prévoyance retraite. Mais moi, j'ai envie de parler d'art. Je vais fonder un salon. Créer un endroit où pourraient se réunir une fois par mois tous ceux qui ne trouvent pas de famille artistique. Tous ceux qui veulent échanger réellement, parler de l'essence des choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Super. Ouais, y a des gens qui vont passer, j'espère que ça vous gêne pas. Je vais prendre une douche. Des gens. Super. Ce sont à 50% des femmes. Je te le jure. Et celles qui... Elle sera là aussi. Oh, si tu savais à quel point je m'en fous. Mais attends, qui habite ici? Qui paie le loyer de ce putain d'appartement ancien avec stuc et porte à double battant? Orlando, ça suffit. Ce type se la joue tellement. Quel connard prétentieux. Dis celui qui a nommé son groupe d'après son propre nom, juste au pluriel. Hein. The Orlandos. Mais moi, j'ai envie de parler d'art. Je vais fonder un salon, créer un endroit où pourraient se réunir, une fois par mois, tous ceux qui ne trouvent pas de famille artistique. Qu'est-ce que tu as contre lui? Jaloux de son talent. Talent, mère? Talent? Vous venez à notre concert? Ah, il faut d'abord me passer sur le corps, hein, écarteler, décapiter et supplicier sur la roue. Bon, je te supprime de la liste des invités. Ouais, supprime-moi de ta super prout, liste prout. Ah, et pour toujours, hein? Je vais le faire sans délai, mère. Orlando, si tu peux laisser Sacha sur la liste, il se précipite avec enthousiasme à n'importe quel événement de merde. Hi. Hey. Tu serais pas le chanteur de ce groupe The Orlandos. C'est ça. C'est ça, c'est moi. J'ai bien aimé hein, votre dernier album, il était si puissant et... Ouais, il y avait vraiment quelque chose. Poétique, hein. Et en même temps, politique. Je dois y aller, ma copine m'attend. Bien sûr. Bien sûr. Ciao. Salut. À plus. Il n'y a même pas de copine. Oh, mon Dieu, lui. Lui. Ah bah, qu'est-ce qu'il a? Bah, c'est le chanteur. Le chanteur de ce groupe de merde. Ah, oh, mon Dieu. Ah, lui. Ah, tu viens juste de dire que c'était puissant, poétique et politique. Bah, je peux quand même pas lui dire... Et toi, ton groupe de merde, c'est vraiment de la merde, hein, ton groupe de merde. Complètement de la merde. Bah, pourquoi pas? Bah, c'est blessant. C'est juste pas possible. Ah, on n'a pas le droit de priver les gens de l'occasion de reconnaître ce qu'ils sont vraiment. Est-ce que Sacha est là? Ouais, Sacha est là. Et il est où, Sacha? Sous la douche. Et putain, imagine le mec des Orlando comme mec. C'est juste pas possible. Ah non, non, non, non, non. Un de ces mecs avec sûrement un putain de complexe maternel. Oh, tellement. Ouais, merci beaucoup, c'est mon fils. Hein. Sans deck? Sans deck. Désolée. En fait, je le trouve assez mignon. Ouais, moi aussi. Sérieusement, hein, il a quelque chose de tellement perdu. Mmh. Quelque chose de jeté au monde. Je trouve aussi. Merci. Non, mais je voulais vraiment pas dire ça. Non, mais vraiment pas. Non, mais arrêtez de faire les hypocrites. Hein. Je peux tout à fait supporter l'idée selon laquelle mon fils ne constitue pas pour vous du matériel baisable. Hein. Non, mais je lui ai dit depuis qu'il est né, Orlando, faut que tu sois plus attractif. Et qu'est-ce qu'il fait? Il monte un groupe. Hey! Hey! Hey. Alors, bon, voilà, je te donne ce manuscrit parce que je sens depuis longtemps que les mêmes questionnements nous travaillent. J'ai vu ta vidéo et je me suis vraiment reconnue dans ton langage visuel, mais d'une force... Enfin, c'est super complexe, hein, comment tu construis une friction entre des niveaux qui contrastent, comment tu explores la tension entre le corps et l'espace de manière performative par ton jeu pseudo-authentique. Enfin, bon, ça... En fait, ce serait le scénario pour ce que j'appellerais un film de terroir. Un genre de Sissi post-féministe. Tu serais le personnage qui s'appelle celui qui n'a pas de nom. C'est le rôle principal. Alors, je te donne ça. C'est juste quelques idées pour une performance. C'est pas encore à maturité. Mais alors, cette nuit, à 4 du mat, j'ai eu tout d'un coup des images en tête. Et je te vois absolument dedans, Sacha. Cette transparence que tu as, ça, tu trouverais tout à fait ta place dans mon univers, quoi. Bon, alors, il y aurait zéro préparation. Hein, on travaillerait l'écriture de plateau collectivement pendant les répétitions. Ouais, le prenez pas mal, s'il vous plaît, mais j'ai servi suffisamment longtemps de surface de projection à d'autres gens. Maintenant, je fais uniquement les choses pour me faire avancer sur le plan humain. Ah non, mais sur ce plan-là, mon projet pourrait t'apporter beaucoup, hein, parce qu'en tant qu'auteur... J'explore toujours le monde avec un regard critique et ironique. Si tu veux, je questionne de façon ludique l'ambivalence des narrations hégémoniques. Ouais, et justement, à cet égard, mon projet serait très enrichissant pour toi parce que c'est en fait exactement à cet endroit-là de ton questionnement que je te sollicite. En tant qu'auteur, en tant que performeuse, en fait, je pose la problématique des assignations culturelles, tu vois. Et je donne une voix à ce que le discours mainstream exclut. Mon projet se méfie des mécanismes convenus de l'intelligibilité du monde. Mon projet est courageux, quoi. Il remue le couteau plutôt dans la plaie. Mon projet met plutôt à l'épreuve les stratégies qui cherchent à rendre visibles les contradictions sociopolitiques. Mon projet travaille avec les éléments d'une corporité radicale et inquiétante à démasquer les mensonges bourgeois. Évidemment, mon projet plonge dans les zones taboues. Hein. Il prend la mesure de ses préoccupations. Mon projet, on opère sur les interfaces quand on véhicule des contenus. En fait, tu vois, mon projet, il travaille à l'émergence de formes. Avec mon projet, on ouvre des Pourtant, on aimerait bien aussi savoir comment toi, tu pourrais t'impliquer, là. Dans quoi? Bah, dans le dialogue. Autour de ces thématiques. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Et pourquoi on ne fait pas ce qu'on ne fait pas? Allez, viens t'asseoir avec nous. Bah, moi, par exemple, j'ai envie de laisser tomber le jeu conventionnel. Je trouve que c'est mensonger d'incarner des personnages qui n'ont rien à voir avec moi. Où est-ce que mon milieu de vie peut correspondre avec celui de Hamlet, par exemple? C'est pour ça que je trouve que ce qu'Annabelle envisage de faire n'est pas inintéressant. Ouais. Mais en même temps, pour moi, c'est en quelque sorte pas assez. Comment ça, pas assez? Bah, tu te contentes de reproduire les choses, mais je trouve que l'art devrait aussi vraiment creuser. Creuser? Ouais, creuser vraiment plus profond, quoi. Pas seulement gratter en surface. Alors là, Sacha n'a pas tout à fait tort. Hein. Je trouve aussi qu'il manque une certaine radicalité à tes travaux. Et Cordula, ton idée, bah, en théorie, c'est super bien pensé et tout ça, mais j'y vois très peu d'espace pour le corps. C'est pareil pour moi, hein, Cordula. Ah, mais au contraire, le corps, c'est un élément essentiel pour moi. J'entends tes paroles, j'entends. Tu parles de corporéité, mais tout reste extrêmement cérébral, tu comprends? Je l'entends, mais je le ressens pas. Alors moi aussi, je le ressens pas non plus. Ouais. En ce moment, je me penche de façon très intense sur la question des privilèges. Ouais. Là, dehors, le monde part en couille. Ouais. Et nous, on reste assis ici. Et je ne parle pas d'un point de vue explicitement politique. Je n'ai pas de solution à proposer. Je parle d'un point de vue existentiel. Et aussi, bien sûr, d'un point de vue esthétique. Oui. Je veux rappeler l'absurdité de ce parallèle encore et encore par différents moyens. Bon, le film étant plus ou moins terminé, je suis maintenant à la recherche d'une forme nouvelle. Ça a l'air bien. Ça a l'air vraiment bien. Je trouve aussi. Hein. Par rapport à ça, j'ai immédiatement plein d'associations en tête. Et moi, je vois tout de suite des images. Si on faisait une co-recherche. Mais en groupe, on avancerait plus facilement. Ouais, vous pourrez en discuter à loisir lors de votre prochaine réunion de travail dans un bar à sushi, en bouffant vos crevettes épluchées par des esclaves qui bossent 20 heures par jour dans des fermes à crevettes en Thaïlande. Je trouve le thème de Sacha vraiment bien. Moi aussi. On pourrait travailler dans différentes directions. Développer à différents niveaux. Là, ce serait intéressant de travailler avec des danseurs. Ou du matériel d'archives. On pourrait aussi tout à fait imaginer une approche interdisciplinaire. Mais oui, carrément. Tu devrais plutôt raconter ça aux gens importants lors de ta prochaine première où tu traîneras dans ta robe H&M dont la production a tellement pollué la nappe phréatique que les mères indiennes accouchent d'enfants estropiés. Le caméraman avec qui je travaille a survécu à la torture dans les prisons syriennes. Il a trouvé des super images pour transposer ça. Et moi, je suis en contact avec un passionnant musicien de Bagdad. Il nous ouvre des horizons d'écoute tout à fait inouïs. Laura, attrape ton téléphone qui a coûté la vie au moins à 5 mineurs congolais dans des mines de coltan et appelle-le. Ouais. En tant qu'artiste, nous avons aussi mission de nous confronter à des vérités inconfortables. Ouais, nous devons affronter des écueils. Nous mettre en danger. Quitter notre zone de nous confort. Nous confronter à nos propres démons. Explorer des situations limites, qu'elles soient intellectuelles, émotionnelles, sexuelles. Et rendre cette expérience accessible aux spectateurs. Avec un gramme de coke dans le nez, pour lequel on compte 3 paysans décapités et 7 filles mutilées lors de la guerre de la drogue au Mexique. N'importe qui peut avoir les meilleures idées pour demander des subventions pour un projet culturel avec des réfugiés. Chérie, tu fais chier. Ah bah, je pensais que je devais m'appliquer. Ah, dis donc, belle couleur, ça te va bien ce rouge à lèvres. Ah, merci. Ouais, c'est aussi la vie de Laurent Houtan, brûlé vif quand son biotope en Malaisie a été défriché pour produire l'huile de palme, nécessaire à la fabrication de ce rouge à lèvres. Agnès ! Ah, y a quelque chose que j'ai mal compris. Hein. Pourtant, il s'agissait bien de ça. Des privilèges, le monde part en couille et nous on reste assis ici. Oui, mais je pensais ça plutôt de façon autocritique et pas comme une massue avec laquelle assommer les autres. Ah, mais c'est difficile hein, d'être autocritique quand on se croit au-dessus de tout. Oh, exactement. Toi, blanc comme neige ou quoi? Toi, seulement café équitable et coton incontestable d'un point de vue éthique. Ou quoi? Et jamais une phrase dans le dos de quelqu'un que tu lui dirais pas aussi en face. Ou quoi? Mais pourtant ici, oh, smartphone. Tiens donc. Mais ceci n'est pas un smartphone, c'est un Fairphone. Pour ce téléphone, absolument personne n'a dû souffrir. Rémunération juste de tous les ouvriers, transparence vérifiée des chaînes de distribution. C'est un conseil pour tous ceux dont les outils de communication sont poisseux de sang d'enfant. Hein. On peut faire quelque chose, il faut juste le vouloir. Agnès ! J'essaie seulement d'être une bonne personne. Regardez sur qui je suis tombée sur mon chemin. Quel événement de merde. innommable. Une torture pour les yeux et les oreilles. Dieu merci, Dieu a inventé l'alcool. Vous savez qui a tenu le discours d'ouverture? Kroger. Kroger, précisément. Ah, mais Voltaire ne savait pas non plus s'arrêter. Ah, terrible, mais c'était rien par rapport à Leyenfeld. Et la Ehrenfeld Jacobson dans sa doudoune toute tachée. Et l'improvisé-ski. Mais le pire, et de loin, c'était Kugler. Et ce vieux rabâcheur de Mikitch. Il m'a rabattu les oreilles. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui pue à l'alcool? Pourtant, il sort tout juste de la clinique. Et Humerman était là aussi. Humerman? Oh mon Dieu! Humerman Zone à talent limité. Et Roberts, le dinosaure de la presse écrite. Oh là là, Burk! Et une fois de plus, il s'était pas coupé les poils du nez. Et la Pfaff, qu'il a ramené avec son expo à la con dans l'ancienne gare. Bah c'est sûr, hein, c'est son papa qui a dû tirer les ficelles. Ah mais à fond! Et il y avait aussi... Ah bah bien sûr! Il était là aussi! C'est ça! Toujours présent quand ta bière est gratuite. Oui. Oh la vache et la Grubno, comme elle était bourrée! Et personne ne lui explique qu'elle fait grosse dans sa robe. Comment ça qu'elle fait? Elle est grosse! Et dans n'importe quelle robe! Et Günzlinger, il a eu le prix seulement parce que sa femme est membre de la commission. Mais personne ne va lire ce pavé. Non mais à quel point il faut être con pour épouser Faller? Les semblables sont à gerber. Hein. Ils se mettent simplement avec leur gros cul dans le faisceau de lumière que Dieu en personne avait dirigé sur moi. Agnès! Je voulais seulement m'impliquer. Voilà. Assez parlé avec les morts, tournons-nous vers les vivants. Puis-je, afin de me préparer aux échanges sociaux, vous prier de me verser un verre de neurotoxine? Mais bien sûr. Tu vis au sein d'une structure humaine qui te porte. Tu dois aussi supporter cette structure. Ah, c'est facile à dire ça, hein, mais si la structure est véreuse et pourrie? Ne sois pas si dur envers les gens. Ils veulent tous la même chose que toi. Un peu de reconnaissance, un peu de plaisir. Et vous, et qui êtes-vous là? Celui qui te fait face en ce moment. Profites-en. Agnès, c'est qui cet oiseau rare là? Elias, un ami de la maison. Il est arrivé un jour et il est juste resté scotché sur le canapé, ça fait des semaines. Agnès l'a trouvé dans le parc. Ah, ce n'est pas tout à fait correct. Il perd un loyer? Non, attends, c'est quoi votre problème avec le loyer, vous, les capitalistes? Je perds un loyer, en monnaie spéciale. Et je me balade et j'ouvre des yeux et des oreilles. Mon animal héraldique, c'est Socrate. C'est pour ça que je ne porte jamais de chaussures. Un jeune homme si intelligent et pourtant au chômage. Dommage. Merci pour le compliment, mais j'ai du travail. Je voulais plutôt dire travail salarié. Non, tu voulais plutôt dire travail forcé. Pardon, mais vivre au crochet de l'État, c'est pas non plus un geste révolutionnaire. Pardon, mais je me consacre désormais corps et âme à la tâche. Pas tout à fait facile de penser. Et penser n'est pas quelque chose qu'on peut faire en passant. Je pense à temps plein, et c'est pour cela que je suis dédommagé par la société. Oui, via le RSA. Il me semble que tes amis ne déambulent pas sur notre planète sans préjugés. Ça, tu peux le dire haut et fort avec clarinette et trompette. 16 années en philo de l'Antiquité, t'es sans doute resté trop longtemps. Hein. Fanny, Elias aussi préférait être assis en zone de confort intellectuel et être grassement payé à enfoncer les portes ouvertes de la pensée. Mais le destin lui a réservé autre chose. Oh, ce perpétuel mépris pour mon boulot, c'est vraiment pas nécessaire hein, maintenant. Non, mais Fanny écrit des chroniques passionnantes. Faudrait déjà pouvoir faire pareil. Mais merci, mais je savais pas que tu les lisais. Oh. Oui, oui, oui, passionnant, hein, dating, mode pour chien. Non, mais comment Elias pourrait-il prendre ça au sérieux? Non, mais la façon d'écrire de Fanny rend cela très existentiel. L'essentiel, en fait, se cache souvent derrière la banalité. Et ça, il faut encore qu'il le comprenne, notre ami. J'essaie quand même, dans mes contributions, de trouver le bon équilibre entre divertissement et information. J'ai quand même cette exigence. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, hein? Il pense? Tout le monde peut prétendre ça. Ah non, justement pas. De l'extérieur, on peut très bien voir si quelqu'un pense ou pas. Bon, toi, Adrien, t'as arrêté de penser depuis longtemps, hein, ça se voit. Ça. Et puis lui, il a l'air d'être un grand penseur, oui, bien sûr. J'aimerais vous faire remarquer que je ne dis plus rien depuis un moment. Maintenant, vous laissez Elias tranquille, c'est bon? Voilà, Fanny, notre Agnès a trouvé une âme sœur. Cela arrive. Bon, et maintenant, veuillez m'excuser, je dois travailler. Où sont mes machins magiques? Ah, ils sont là. Tiens, prends un machin. Un quoi? Un machin magique. Que crois-tu que cet éplucheur d'asperges veuille te dire? Aucune idée. Mange plus de légumes. Mange plus de légumes. Oui, oui. Ah, oui, ah bon, j'ai oublié de mentionner, le machin magique est toujours aussi magique que son propriétaire le lui permet. Moi aussi, j'en veux un. Alors, ces lunettes veulent me dire que je dois les mettre. Car à travers ces verres salis qui feignent d'être délavés la première fois qu'on regarde à travers, naît une transparence inespérée. La transparence à laquelle seul parvient celui qui n'a pas peur de s'approprier l'inconnu apporté par le hasard et d'en faire une partie de soi-même, d'intérioriser les narrations utopiques qu'on entrevoit grâce à cette nouvelle perspective et de les introduire dans son processus de réflexion afin de transformer par la magie des lunettes, d'accéder à des nouvelles connaissances. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Voilà, j'ai oublié de préciser, de mentionner, si on abuse du machin magique à des fins illicites, il se met par contestation, en mode autodestructeur. Ah, c'est pas mal ce que t'es en train de faire, hein. Provoquer en s'amusant, épater un peu les gens et tout. Bon, ça changera pas le monde, hein, mais... Prends un machin. Non, j'ai pas vraiment envie de... Prends un machin. Ok, ok. Non, non, pas d'accord pour considérer ça comme négatif. La souris est morte, et alors? Peut-être qu'elle a eu une vie bien remplie, avec plein de bonheur de souris. Peut-être qu'elle a fait tout ce qu'une souris doit faire et qu'elle s'est éteinte paisiblement. Sourire aux lèvres. Cette magique souris morte ne veut peut-être pas du tout me dire « Ouh, ouh, la mort ! Tic-tac, tic-tac, tic-tac ! Tu devrais vivre plus vite, ou mieux, ou différemment, mais au contraire. Continue comme ça, Sacha. Tout va bien. C'est possible, non ?» C'est possible. Vous êtes des gens très gentils. Mais fou ce clodo à la porte. Prends pas compte qu'il profite de toi. Il se trouve que ce clodo est mon meilleur ami. Pardon ? Tu es mon ami depuis plus longue date, d'accord ? Mais lui, c'est mon meilleur ami. Mais comment peut-on se laisser embobiner par un imposteur et son laïus sorti tout droit des essentiels de la philo, là ? Il se prend pour quelqu'un d'exceptionnel alors qu'on en connaît plein comme lui. Des parasites qui reprochent aux citoyens qui gagnent son pain d'être inconséquents, alors qu'eux-mêmes ne sont conséquents que dans une seule chose. Abuser des prestations sociales. Le citoyen qui gagne son pain. Mais on dirait un roman oublié de Falada. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Adriane? Tu mords autour de toi comme un babouin qui marque son territoire. Non, ça me rend juste agressif de voir comment tu te fais pigeonner par n'importe quel petit jeune, la fauchée de passage. Pourquoi faut-il qu'à partir d'un certain âge, on ne parle plus que d'argent? D'où vient l'argent? Où va l'argent? C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est nous. Nous sommes essentiels, le moment est essentiel. Nous sommes ici, maintenant. Célébrons ce cadeau. Oh ben bravo pour ces lapalissades. Oh, oh, oh. Oh ben pardon, non, j'avais pas pris en compte le bonus jeunesse. Mais écoute-toi toi-même, mon ami. C'est clair, tu es si vieux et si sage. Mais avec l'âge, certains ne deviennent pas plus intelligents, mais seulement plus vieux. Tu ne laisses en toi aucun espace pour d'autres formes de vie. Rentre en toi-même, mec. Et fais un peu le ménage. Oh, oh, on emprunte la métaphore domestique. Je sais pas pourquoi tu t'en prends à moi maintenant. Ah ça, mon chéri, c'est à cause de la veste qu'Adriane s'est prise avec moi il y a 20 ans. Oh, mais je t'en prie. Non, mais ça, c'est vraiment... Tu as eu la chance. Je t'ai pas barré le chemin à l'époque. J'avais juste 10 ans et j'avais vraiment d'autres problèmes. T'es mignon. Et raconte-leur donc ce que tu as comme projet. Oui, je vais fonder un salon. Demain, pour l'inauguration, je montre mon film. Vous êtes tous cordialement invités. Et ça veut vraiment dire tous, Adriane. Mm-hmm. Hein, parce que ces combats de coqs patriarcaux ne sont vraiment pas mon truc. Et les gens, c'est cette nuit qu'a lieu l'action de Lucia. Ah oui. Non, attends, c'est qui, Lucia? Une artiste bondage argentine. Elle fait un truc au parc à 1h. Ah, et là, tu te sens obligé d'y aller? Elle a une approche assez intéressante. Mais pourquoi elle t'invite à une action à 1h du matin dans le parc? Parce que mon opinion compte pour elle. Ah. Ouais, continue de rêver, hein. T'es trop beau gosse pour que ton opinion compte pour quelqu'un. Je sais vraiment pas comment je dois le prendre. Bon, dans le doute, comme une blague. Ça a l'air passionnant. Je trouve aussi, hein. Je viens avec toi. Oh, si fatiguée. Oh. Ah. Bonne nuit, Adriane. Tu as sauvé ma soirée. Et fais la bise à Anne. Ouais. Attends, il se passe un truc, là. Agnès, moi, s'il te plaît. Les hommes et les femmes peuvent aussi être simplement amis. Ah, vraiment? Mmh. Ah, j'ai dû rater cette tendance, hein. Est-ce que tu fais confiance à Sacha ? Oh, la fidélité sexuelle ne m'intéresse pas. Erreur. Avant, tu disais pas la même chose. Quand on est père, tout se décale. Ah, on est trop fatigué pour la chasse et on appelle ça fidélité. Agnès, c'est pas la peine d'être si vulgaire. Là. Mais que tu te rabaisses à ce point avec ce blanc bec. Ah, c'est intéressant. Hein. Sacha semble avoir quelque chose qui monte tout le monde contre lui. Hein. Tout le monde, c'est-à-dire le monde masculin. Mmh. Et je sais même ce que c'est. Ah, nous attendons avec impatience le tranchant de ton analyse. C'est un idiot. Eh bien, mon cher, je crois qu'il s'agit d'autre chose. Sacha est un prisme qui vous renvoie tout ce qui vous manque. Et le fait que tu insistes tellement sur ces soi-disant histoires de cul est aussi... a peut-être une seule raison, et c'est l'envie. Mais tu crois que je pourrais pas si je voulais nommer Agnès? Non, mais attends, s'il te plaît, mais si tu savais quel pouvoir magique réside dans cette alliance-là, si tu savais toutes les avances que je dois décliner, là, mais je refuse de correspondre à ce cliché de la virilité mature, je vais pas laisser ma bite me voler ma dignité. J'ai plus besoin de ça. Emballer, baiser à droite à gauche, mais c'est creux et froid. Masturbation avec objet. Non. J'aime Anne. Et pour moi, mais désolé, mais amour signifie encore fidélité, confiance, abandon. Tu sais ce que j'aime chez Sacha ? C'est qu'il ne réfléchit pas du tout à ce genre de truc. Il évolue dans d'autres catégories. Il est simplement là. Simplement là et fait son truc. Jusqu'à là, c'est banal. Adriane. Mais les cerveaux les plus brillants t'ont fait des avances et toi, tu choisis cette petite lumière simplette. Attends, quand tu dis cerveaux les plus brillants, tu parles de toi ? Je comprends pas. Tu te souviens quand on était dans ce petit atelier crado, là, dans la botte de Strasser, et qu'on faisait des projets pour une nouvelle conscience? Ouais, hein, sur ce point, toi spécialement, t'es pas allé très loin. Hein. Ah, mais toi, oui. Hein. Et moi... À ma connaissance, il s'agissait de valeurs aussi belles que la sincérité, la liberté et l'abolition définitive et totale de toute mauvaise foi. On méprisait les puissants à cause de leurs mensonges et de leur hypocrisie. Et je refuse de considérer l'affaissement de tous les réflexes moraux comme un épiphénomène normal du vieillissement. Ah, cette fureur idéaliste. Mais cela vient seulement du fait qu'en tant qu'individu, on se prend trop au sérieux. Ouais, depuis que je suis père, mon regard sur moi-même a quand même beaucoup changé. Et cette manie de courtiser les femmes, mais que de temps perdu. Juste parce qu'on voyait une mignonne créature dans une fête et qu'on voulait absolument avoir cette créature, l'avoir. Comme si on pouvait mettre la main sur quelqu'un avec une nuit d'alcool et de baise. Et cette danse creuse pour le veau d'or nommé succès. Mais depuis que je suis père... Je me suis rendu compte que c'est pas le succès qui me rend heureux. Recevoir le prix de la caisse d'épargne municipale, mais qu'est-ce que ça m'apporte ? Non, mais les collectionneurs, là, ces racailles de nouveaux riches, les galeristes, ces sangsues, là, ces peintres qui croient avoir inventé la perspective, là, on se perd dans la vanité des rouages de cet univers, et puis, un enfant arrive et te relie à la terre. Et puis, un enfant arrive et réussit à renverser toutes les valeurs. Pas un seul sourire plein de baffes. Sur un mur très haut, poussait une vigne, de laquelle pendaient de magnifiques et juteux raisins. Un renard affamé s'en aperçut et voulut s'emparer des raisins. Il sauta à de nombreuses reprises et essaya d'atteindre les raisins, mais tous ses efforts restèrent vains. Les raisins étaient trop hauts. À ce moment-là, le renard dit « Les raisins sont beaucoup trop aigres pour moi. » Il prit un air hautain et s'en alla. Mais d'où ? Où est-ce qu'il sort encore, ce clochard, là ? On n'a jamais d'intimité ici, là. Désolé, mon ami. Le privé est politique. Je crois que je suis trop ici. Il t'aime. Non, n'importe quoi. C'est un homme vieillissant qui supporte mal de perdre de l'importance et tout. Mais qu'est-ce que t'as à l'œil ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tous nos semblables ne réagissent pas sereinement quand on leur propose de reconnaître ce qu'ils sont vraiment. Ouais, c'est peut-être à cause de la nudité. Pourtant, elle est importante. Je dois me rendre vulnérable afin d'être égal à l'autre, car lui aussi est vulnérable. Donne-moi un machin magique, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est ? Une question qui s'est enroulée. Est-ce qu'une question est un machin magique ? Si elle se présente sur un petit papier, oui. Si tu soustrais de l'être que tu aimes tout ce qui est sexuel, est-ce qu'il en reste un être que tu aimes? Je vais me coucher. C'est bien. Samedi 4h05, révélation en écoutant The Orlandos concernant la musique, concernant le chanteur, le problème de la sincérité. Ah bah tiens, la Dionée attrape-mouche argentine t'a recraché? C'est pas vraiment ça, Agnès. Ah, il faut que je te mette en garde contre Annabelle. Hein. T'as pas le droit de la persuader qu'elle est une artiste pertinente seulement parce que tu veux coucher avec elle. Il faut que tu y arrives autrement, s'il te plaît. Imagine ce qui peut se passer. Elle va polluer le monde avec son art mauvais, avancer en crabe de bourse en bourse. Tes encouragements la condamneront à la pauvreté à vie et à la surestimation de soi et condamneront son public à l'ennui et à la torture. Et tout ça seulement pour offrir à ta queue un bref moment de plaisir, disons 15 minutes. Non, refais l'analyse coût-avantage, s'il te plaît. Je veux pas du tout coucher avec Annabelle. Mais si tu veux lui dire quelque chose de gentil, il reste encore le bon vieux compliment. Dis-lui à quel point elle est belle, à quel point ses seins sont ronds et doux, combien sa chevelure brille au soleil comme de la soie. Ça lui donnera du courage et provoquera des dégâts culturels moins importants. Agnès ! Bon, écoute, fais ce que tu veux, sauf une chose. Ne me mens pas. Mais est-ce que tu sais à quel point tu es sexiste? Le seul fait que je sois un homme ne signifie pas que j'accepte n'importe quelle proposition de n'importe quelle fille sans cerveau. Ah, fille sans cerveau, tu parles de tes amis? Bon, amis, disons plutôt connaissances. Ah, en ce qui concerne Cordula, ah, yes. La petite biche farouche t'a déjà consacré tout un opus magnum. Hein. Tu es sa muse préférée. Hein. Elle pense que dès qu'elle aura réussi à t'entraîner dans une de ses œuvres d'art, elle arrivera à t'entraîner dans tout le reste. Hein. Dans sa vie, son utérus, son âme, attention, je dis... Quoi? Non. Si. Non. On aura combien de vaches? Aucune idée. 5, peut-être. Des poulets? 20. Tu peux couper la tête à un poulet, t'es capable de ça? Je sais pas. Je vais essayer. J'ai découvert une vieille ferme à environ 80 km de la périphérie de la ville. Tu te promènes en voiture et tu visites des maisons? Tu trouves pas que c'est un peu précipité? Précipité, ça fait un an qu'on en parle. Un an déjà, alors? Un an, déjà, oui. Un an. Danse avec moi. Non. Si. Allez. Et de cylindres aussi longs qu'ils sont les seuls qu'il a rempli. On t'a réveillé? Une belle jeune fille cueillit un jour la baie d'un sorbier. Au moment de la goûter, elle la recracha pourtant et fit la grimace. Pourquoi es-tu si âpre à l'intérieur alors que tu es si belle à l'extérieur? A l'inverse, si tu étais laide, ratatinée et violette, serais-tu sucrée et délicieuse? L'abbé sourit et dit: jeune fille, le beau et le bon ne vont pas toujours ensemble. Bien au contraire. Grâce au soleil. Épais de sang. Déférence. Oh. Oh non, Fanny, du yoga, la grenouille à 11h du mat. Rejoins-moi, ça te fera le plus grand bien. Hein. Toi aussi, Elias, un peu d'activité physique ne te ferait pas de mal. Hein. Encore dit qu'il a mieux à faire. Qu'est-ce que c'est que cet appel du pied pédagogique maintenant? Je sauve des mots. Épée de samouraï. Oui, un beau mot. C'est à tort qu'on l'utilise si rarement. Ouais, bon bah mon corps dit que sans caféine, moi je peux rien faire. Le mot forme ce qu'il nomme. C'est une banalité sémiotique d'avant le déluge que personne n'emploie plus. Car, regarde, dit le Seigneur, vous deviendrez les mots que vous avez utilisés. Alors, attention. Mon Dieu, quelle prose, et ça avant midi. Ce n'est pas ce que tu manges, tu es ce que tu dis. Tu es ce que tu tais. Tu es aussi ce que tu écris. Fanny, je dis cela en tant qu'ami qui te met en garde et en tant que fidèle lecteur de ta chronique. Mais qu'est-ce qu'il a contre ma chronique? Peut-être que les sujets lui paraissent trop inconsistants. Hein? Tu es la somme de tes omissions, tu es la quintessence de tes mensonges quotidiens. Viens manger, Elias. Sollicitude maternelle, merci, mais je dois travailler. Samedi matin. Meilleur moment pour travailler. C'est en ce moment que l'homme, rabaissé au stade de consommateur, se rend horde dans les grands magasins. Et espère qu'Elias et sa parole vont le guérir. Tu ne trouverais pas ça beau, Fanny, toi aussi qu'un jour, quelqu'un vienne et te rende ta dignité, ou tout du moins qu'il essaie? Tu n'as pas peur de te retrouver avec encore plus d'œil au beurre noir? La peur est très très mauvais ami. Je ne boirai plus de schnapps avec elle. Et bon, il a quelque chose de mignon. Moi, ouais, tu as raison. Hein. Par rapport à quoi? Ouais. Par rapport à tes sujets inconsistants. Alors, je te cite. Hein. 10 vêtements qu'une femme de plus de 30 ans ne devrait plus porter. Non, sérieux, Fanny. Mais c'est interdit maintenant de s'intéresser à la mode. Alors, comment se comporter de façon politiquement correcte face à une technicienne de surface originaire de l'Europe de l'Est? Mais c'est une chose qui préoccupe les gens. Les communistes sont-ils de meilleurs amants? Non, Fanny, enfin... Mais c'est le genre de truc que les gens aiment bien lire. Mais dis-moi, t'avais pas fait Sciences Po, Cultural Studies et littérature germanique? Mais tu crois que j'ai pas essayé? Comme si on m'attendait dans les rédactions. Les médias papier sont en plein déclin. Je préférerais être une paisible chroniqueuse old school avec un bureau en angle et un cendrier en cristal et des sujets, des sujets durs, des sujets béton. Mais on est bien obligé de prendre ce qu'on trouve. Non, mais justement, on n'est pas obligé. Si, on est obligé. Erreur, grande, grosse erreur existentielle. Désolée de ne pas ramper couverte de boue à travers Alep pour élucider les crimes de guerre, chose que tu ne fais pas non plus, bizarrement, non. Tu es assise ici, rose et proprette, et la seule chose que tu accomplis d'un point de vue culturel, c'est de détruire la carrière d'autres gens. Mais je fais aussi des éloges. Ah vraiment? Vraiment? Tu fais des éloges? Okay. Alors, des éloges... Critique acerbe du premier roman de A, critique acerbe du recueil de poésie de B, critique acerbe de la mise en scène de C, rien d'autre que haine et destruction. Il faut bien que quelqu'un se charge du boulot ingrat d'appeler une merde une merde. Parce que l'art est sacré et l'homme orgueilleux, pas de compromis. Et comme tout le monde le sait, à l'âge de 25 ans, j'ai écrit un roman. Mais c'est ronflant! D'ailleurs, tu en portes 5. Quoi? 5 des 10 vêtements qu'une femme de plus de 30 ans... Je me demande ce que peut faire Klaus. Mais il va s'en sortir. Non, il va pas s'en sortir, hein, je le connais. Mon Fanny, t'as foutu à la porte à cause de cette nuit ridicule avec cet anesthésiste. Mais si j'avais fermé ma gueule, je serais encore une épouse comblée. Mais n'importe quoi. Ça m'a juste échappé, pourtant c'était il y a 15 ans. Mais quel genre de mec est-on si on n'arrive pas à supporter l'idée que sa maîtresse a brièvement flashé sur quelqu'un d'autre il y a 15 ans? Je dirais qu'on est un macho infantilisé avec perte de notion de la réalité et ambition de propriétaire gonflé à l'hélium. Mais on ne peut pas demander à tout le monde de supporter, de tout savoir. La chose la plus importante dans la vie à deux, c'est un filtre d'informations correctement ajusté. Ouais, et à la fin, à force d'égard pour l'autre, on ne sait plus rien l'un de l'autre. On ment sur ce qui nous plaît, sur ce qu'on désire, sur nos peurs, sur nos joies. Et on devient, tout en croyant être les confidents les plus proches, les étrangers les plus éloignés. Griffonne ces beaux mots dans ton album de poésie. À cause de ma putain de sincérité, j'ai été foutue à la porte de mon loft, à la porte de ma vie. Ouais, c'est de te distraire. Traîne un peu avec Adriane. Je crois qu'il t'aime bien. Ah, Adriane, ce connard frustré. dénué de talent avec ses blagues pas drôles, ses interventions sans piquant qui brandit sa vie ratée comme on porte un pot de chambre troué, qui s'est jeté dans les bras de Anne, ultime auto-punition, Anne, la femme la plus ennuyeuse du monde. Et que dire, ils vont très bien ensemble. Hier, vous aviez l'air encore harmonieux. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a essayé avec toi. Agnès, tout le monde a essayé avec moi. Tout le monde? Mais tout le monde. Si j'en parlais à chaque copine dont le mec m'a ploté en douce, j'aurais plus de copine. Hein. Et tu te laisses faire? Mais bien sûr que non. Ah, parce que tu es une amie bonne et loyale. Mais non, mais parce que mes amis, toutes, ont des mecs moches. S'ils étaient plus beaux, j'aurais certains problèmes à me contrôler, mais comme ça, je peux très bien m'afficher comme moralement irréprochable. C'est bien, non? Ta loyauté est uniquement redevable du fait que les maris de tes copines sont terriblement moches. Exactement. Est-ce que tu me considères comme une copine? C'est une question piège, hein, ça. Non. Non. Non, Sacha n'a pas essayé avec moi. Pas encore. Agnès, je comprends pas comment tu peux supporter que ton ami crame sur tout ce qu'il est. Il est jeune. Et je crois pas à cette générosité. Mais pourquoi est-ce que tout le monde veut absolument me persuader que je suis jalouse? Orlando, bonjour préféré parmi tous les fils préférés. Ouais. Je lis. Ce groupe aurait plein de qualités musicales si les paroles ne donnaient pas l'impression d'assister à une séance de masturbation collective et pubertaire. Plein de qualités musicales, hein, t'as entendu. Oui, oui, oui. À la tête du groupe, le chanteur Orlando est responsable des textes. Oh, qu'il puisse assumer pleinement la responsabilité de ses rimes confuses. Le problème principal n'est pas le kitsch, mais le manque de sincérité. Voilà. Le groupe, qui arbore comme devise l'authenticité, célèbre à travers le corps féminin, le corps masculin. Un tel camouflage honteux n'est plus nécessaire au jeune homme sûr de soi d'aujourd'hui. Et voilà qui prête à rire. L'objet du désir, la muse enchantée, la secrète héroïne de tout cet album est bien connue de l'auteur de ces lignes. Le poisson pue par la tête et ce poisson textuel pue par la queue, c'est-à-dire par celle qu'il tente de dissimuler sous des tonnes d'adulations poétiques hétéronormatives. Mais après tout, qu'est-ce qu'un vrai sentiment? Qui serait capable de chanter l'amour de façon nouvelle sans avoir recours au poncif de la pop culture? Conclusion, on aimerait donner ce conseil maternel aux jeunes chanteurs talentueux. Continue d'aimer, mais arrête de mentir. Continue de chanter, mais arrête d'écrire. Ça m'a pris seulement la moitié d'une matinée, c'est pas mal, non? Jamais, jamais quelqu'un ne m'a blessé aussi profondément. Parce que je t'aime, tu ne mérites que le meilleur, et le meilleur, c'est la vérité. Non, l'amour épargnerait l'être aimé. Qui mérite mon respect, mérite mon opinion sincère. Cette critique violente est une preuve de mon amour. Que ma propre mère me fasse un truc pareil. Je suis la seule à te dire sincèrement que tu es un misérable parolier. Tu as une voix magnifique, ça te suffit pas? Tes paroles sont merdiques. Et alors? Les autres, ils te le disent pas? Parce qu'ils sont si nobles et sensibles? Non, parce qu'ils n'en ont pas les couilles. Qu'est-ce que tu crois qu'ils disent derrière ton dos? Alors, qu'est-ce qui te blesse le plus? Hein? Tu as un tel talent pour tourner tout, mais vraiment tout, à ton avantage. Je te donne un conseil en tant qu'homme, en tant que fils et artiste. L'art sans courage, tu peux le balancer aux chiottes. Mais si un artiste ne trouve même pas le courage d'assumer sa sexualité, à quoi son courage pourra-t-il lui suffire? Nous ne sommes pas en Arabie Saoudite. Hein. C'est privé! Ce n'est pas privé! Si, c'est privé! Non, ce n'est pas privé! Le privé est une notion pour agent d'assurance, mais toi, tu te la joues artiste, et pour l'artiste, le privé n'existe pas, merde! Mais Proust, lui aussi! Oh, Proust, oh, la ramène pas avec cette dent tous coincée du 19e! Ça suffit, mère! Je porte plainte contre toi! Pour discrimination, diffamation et outrage! Et tu peux rire. Ah ouais. Alors maintenant, ça suffit, c'est ça, hein? C'est pas de ma faute si t'as craqué pour mon mec. Retiens tes paroles, mère. La vérité est exigible de l'homme, Ingeborg Bachmann. Je te hais. Hey, ne sois pas ridicule. Et tu sais, c'était vraiment une bonne astuce de cacher tes sentiments pour Sacha derrière un rempart d'agressivité violente. C'était vraiment du grand art. Merde. Oh, putain. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Tu auras des nouvelles de mon avocat. Cet enfant, il est fou. Cet enfant est profondément affecté. Il va sérieusement porter plainte contre moi ou quoi? Eh ben... Pourtant, lui, je l'aime. Il se rend même pas compte. Mais moi, je ne m'en rends pas compte. Qu'est-ce que t'as dit? Même moi, je ne m'en rends pas compte. Agnès? Oui, Agnès. Crise familiale. D'abord, il faut clarifier. Qu'est-ce qu'une crise? Qu'est-ce qu'une famille? Mais ta gueule! Qu'est-ce que veut dire ta gueule? Mais c'est un putain de miracle que personne ne t'ait assommé jusqu'ici! Putain, miracle. Désolé, Elias, j'enlève tes feuilles pour faire la place. C'est pour l'écran. Pour la projection du film plus tard. Projection de film. Ouais. Tout va bien avec toi? T'es ok? Ok. Ok. Que ce mauvais jeu de mots de 1840 ait survécu jusqu'aujourd'hui. All right. À l'origine se trouvait une orthographie consciemment incorrecte de all right. C'est pour cela ça, que... Ça, tu kiffes grave, hein. Alors, qu'est-ce que je te prie, je kiffe grave? Les mots. Rien contre toi, hein, mais je trouve ça un peu épuisant, quoi. Et ça met le focus au mauvais endroit. Tu aimerais bien vérifier l'intégrité de chaque expression avant d'utiliser. C'est difficilement compatible avec le flot d'une conversation. Qui se baigne dans le flot d'une conversation ne doit pas être surpris si les piranhas du bavardage lui arrachent les oreilles avec les dents. Proverbe indonésien. Rien contre toi, mais... Canneberge. Un beau mot. Malheureusement, vous préférez dire cranberry. J'essaye d'ancrer le mot le plus beau dans votre conscience à coups de bâton. Canneberge. Canneberge. Canneberge. C'est super agaçant. Canneberge. La stupeur amoureuse. Une très bonne expression parce qu'elle est à la fois belle et juste dans ce qu'elle désigne. C'est Willem Genazino qui l'a inventée. Ouais, moi j'aime pas trop, je trouve ça triste d'une certaine manière. L'amour n'a rien à voir avec la stupeur. L'amour c'est quand même quelque chose de beau. Est-ce que tu as déjà été amoureux, toi? Je ne peux pas me le permettre avec mon boulot. Celui qui aime la vérité doit être monogame. C'est comme avec Jésus, mais juste, ça fait plus de sens. Ouais, c'est pas mal gaga, quand même. Gaga! Onomatopée qui imite les balbutiements d'un enfant. Plus précisément, les balbutiements d'un vieil homme qui redevient enfant. Origine française. Première apparition, 1879, dans un roman d'Alphonse Daudet. Dents de Muraine. Allez, à la prochaine. Mes chers, comme annoncé, j'inaugure aujourd'hui mon salon. Maintenant, il aura lieu toujours régulièrement et si vous avez envie de présenter votre truc ici, faites-moi signe. L'impulsion pour ce concept m'a été donnée par l'expérience que j'ai faite dans beaucoup d'événements. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais moi, souvent, quand je rentre chez moi après une soirée, j'ai l'impression d'avoir de la laine de verre dans l'estomac. Oui, c'est vrai. En théorie, on rencontre des gens passionnants, etc., mais tout s'effiloche et s'évapore. Chacun fait son truc, et quand on se rencontre, personne n'en parle. Je veux dire, vraiment, en focalisant, et pas seulement en passant, je fais ci, je fais ça en ce moment. Bon, quoi qu'il en soit, je voulais pas me lamenter, mais faire quelque chose de constructif à partir de ce sentiment. C'est pourquoi maintenant, je voudrais vous montrer mon court-métrage « La machine de la conscience », dont le montage vient tout juste d'être terminé. Dans ce film, j'essaie de traduire en images mon propre sentiment d'impuissance par rapport à l'état du monde. Vous pourrez juger vous-même si j'y suis parvenu. Vas-y, Olivier. Ah. Impressionnant. Oh, c'est génial hein, comment t'as réussi à trouver une approche très personnelle sans que ça fasse privé. Ouais, l'intime et l'universel deviennent tangibles mais à part égale. La façon dont le dionysiaque hante l'apollonien est très bien résolue au niveau des images. Le désarroi du complice privilégié hein, se transmet vachement. Et tu arrives à formuler une critique de la virilité blanche et hégémonique mais sans la pointer du doigt. Merci, ouais. merci. Vous l'avez très très bien décrit. Et à vous Fanny et Adriane, ça vous a plu? Bah, ouais, je trouvais ça intéressant. C'est... Ouais. Mais alors, bon, c'est pas trop ma tasse de thé. D'accord. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était de la merde. Adriane. Non, ça va. Le consensus est la mort de l'œuvre d'art. Au moins, ta vive réaction montre que mon film t'a fait quelque chose. Oui, tu as dit merde. Très vivement, et ça c'est le contraire de l'indifférence. Ce que je trouve intéressant, c'est comment différentes façons de voir s'expriment, qui proviennent peut-être d'expériences de socialisation différentes. Et tu veux dire que je suis trop vieux pour apprécier cette merde, quoi. Ah, ça c'est toi qui viens de le dire. Non mais c'est intéressant que tu abordes cette thématique et que tu considères ton âge comme un déficit. Moi je trouve que l'attitude négative d'Adriane en dit plus sur lui-même que sur le film de Sacha. Oh, exactement, à sa place, je questionnerai aussi mes propres critères. Alors, mes critères? L'ennui. Tout ça a déjà été fait, c'est du Nietzsche réchauffé, du sang, du sperme, de l'automutilation, des tripes, mais pff, on a déjà vu tout ça dans les années 80. Non, mais ce qui m'intéresserait beaucoup, beaucoup plus, ce serait de savoir comment Agnès, qui est quand même connue pour mépriser profondément toute absence d'idées, comment Agnès arrive à une évaluation plutôt positive de ce plagiat insolent. Alors écoute, Adriane, que tu crois avoir déjà tout vu n'est pas une raison pour reprocher à Sacha la grâce de la naissance tardive. En outre, le film n'est pas un plagiat, mais une citation. Et il va plus loin que les orgies mystères, parce que d'une part, il recontextualise le dégoût pour, et d'autre part, il le rompt de manière autocritique. Ah bon? Ah bah alors. Au fait, est-ce que Elias s'est déjà prononcé? Elias, réveille-toi! De l'art! Ah, non, laisse-le. C'est aussi une prise de position. Il semblerait que la composition de l'image est quelque chose de très apaisant. Je trouve ça très bien, en fait. Allez, les gens, on danse! Non! Je veux pas rentrer à la maison, alors. Je veux tout simplement pas rentrer à la maison. Tu sais, on a le droit, hein, parfois. C'est pas que j'aimerais pas être à la maison. Mais hein, non, ça... non, bien sûr. C'est... J'aime Anne. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai même plus de chez moi, alors. C'est pas exagéré, ça, quand même ? Non, non. Ah. Non. Non, mais ça va s'arranger, toi. Et. Klaus ? Klaus, ouais. Et t'avais oublié le nom de mon mari, c'est ça ? Non, je suis désolé, c'est que. Tu sais ce qui m'est arrivé une fois, j'ai oublié mon propre nom. Ah, t'avais fumé ? Mais non, mais j'avais même pas bu, j'étais juste excitée. Et dans une fête, j'ai rencontré un acteur que j'admirais beaucoup. Il m'a serré la main et moi, blackout total. Et puis j'ai dit « Hello Kitty ». Parce que c'était écrit sur le sac de la fille qui l'accompagnait, et ce chat à la con là. Et lui, il a dit « Nice to meet you, Kitty. I'm Christopher Waltz. » Tu sais ce qui m'est arrivé, moi, une fois, j'ai pas su dire l'âge de mon fils. J'étais en train de me promener avec lui dans le parc, et puis tout d'un coup, deux grands-mères ont accosté la poussette, et puis ils se sont penchés au-dessus, là. Oh, gousi, gousi, gousi. Oh, il a quel âge, le petit ? Et moi, environ 7 mois. Enfin, peut-être. Enfin, je... Et elles m'ont regardé comme si je venais de l'enlever. Oui, c'est vrai. Il faut toujours tout savoir. Non, mais peut-être que savoir trop de choses, ça rend dépressif. Et tu sais ce qui m'est arrivé une fois, et je... Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Attends, attends. Oh là là. Attends, mets-toi comme ça. Oh là là. Oui. Attends, Fanny. Ah oui. Ah, oh, c'est... Ah. Non, mais Agnès, là, s'il te plaît, là, tu vois. Là, tu déranges, Agnès. Oui, tu déranges. Ah, j'ai une mission. J'ai une mission. Je vais pas laisser ma bite me voler ma dignité. J'ai plus besoin de ça. Emballer, baiser à droite, à gauche, mais c'est creux et froid. Masturbation avec objet. Non. J'aime Anne. Et pour moi, mais désolé, mais amour signifie encore fidélité, confiance, abandon. Alors maintenant à oui. Toi, hein, ma petite Fanny. Si, on écoute. Ah, Adriane, ce connard frustré, dénué de talent avec ses blagues pas drôles, ses interventions sans piquant qui brandit sa vie ratée comme on porte un pot de chambre troué, qui s'est jeté dans les bras de Anne. Ultime autopunition, Anne, la femme la plus ennuyeuse du monde. Et que dire, ils vont très bien ensemble. Ça, ce sont tes paroles au petit déjeuner, Fanny. Voilà. Fanny, c'est extrêmement sorti du contexte. Mettre ses propres amis sur écoute, et avec son Fairphone, méthode de la Stasi. On dirait la NSA. Oh, je vous confronte seulement à vous-même. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'êtes pas fâché quand même, hein ? Allez, ça va, vous allez encore me reprocher d'être misanthrope ou quoi ? Hein ? Mais t'es pas misanthrope, Agnès. T'es sociopathe. Oh. Mais t'es tellement pathétique. Ce que tu prêches aux autres, tu n'y arrives pas toi-même. Oh. Tu te mens à toi-même. Je ne mens jamais. Mais qu'est-ce que c'était tout à l'heure, cette lèche par rapport au film de Sacha? Moi, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Mais parce que tu te rends même plus compte combien cet amour idiot et aveugle pour ce monsieur médiocrité te cuisine à petit feu. Attends, je t'interdis de parler comme ça de mon mec. Hein. Ton mec, oui, ton mec, qui derrière ton dos se moque de toi et de ton refus du monde. Quoi? Sacha, mais il veut déménager avec moi à la campagne. Mais jamais de la vie, il déteste la campagne. Mais d'où est-ce que tu peux savoir ça? Mais parce que tout le monde le sait. Mais qui? Quoi? Tout le monde? Bah tout le monde. Mais pourquoi tu me dis ça seulement maintenant? Mais parce que je voulais te protéger. Protéger? Me protéger? Protéger? Mais désolée, j'ai dû vraiment mal comprendre la notion même d'amitié. Effectivement. Désolée, ça n'arrivera plus. Alors voici, Sacha a en horreur de se retrouver avec une vieille folle qui méprise les gens, quelque part dans la pampa, à tripoter des veaux. À juste titre d'ailleurs, hein. En effet, Sacha aime la vie. Moi aussi j'aime la vie. Mais la vie à la campagne. Toi, il n'y a qu'une seule chose que tu aimes. Essaie de tourner autour de toi-même dans la lumière de ton auto-idéalisation. Tu t'intéresses aux autres que dans la mesure où leur état pitoyable constitue une chouette surface de contraste avec ton éminence, là. Mais que serais-tu sans nous, hein? Être imparfait, faillible et vil, hein? Dépourvu d'utilité, d'activité et de sens. Vieux cul, va! Putain de Dieu, mais vous avez rien capté ou quoi? Allez, fini, puis on s'en va. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Infusion de valériane. Infusion de valériane. Merci. Ça aide, hein. Bon. J'ai écrit un roman à 25 ans. Et je me suis juste assise et j'ai écrit un roman. Alors, je sais plus comment j'y suis arrivée, mais je pense que je me suis beaucoup ennuyée avec cette réalité, cette personne réelle et les expériences réelles qu'elle avait à me proposer. Et tout d'un coup, j'avais 700 pages. Je me suis dit, bon, bah, tant mieux, je vais l'envoyer, ce truc. D'abord, on m'a pas cru, hein. On a supposé que c'était mon père qui l'avait écrit ou mon amant protecteur, parce qu'un truc comme ça, c'est pas possible, tu vois, qu'une si jeune personne et avec une chatte, en plus, écrive un roman pareil et qui, en plus, ne parle même pas d'amour, impensable, hein. Alors ils ont d'abord crié à l'imposture, et puis ils se sont rendus compte que ce serait facile à commercialiser ma jeunesse plus mon sexe. La bombe, hein. Humain sans pénis, écrit livre de qualité, hein. Mamzelle miracle. Et ils ont rapidement drapé mon livre d'une jaquette pop avec dessus une biche rose abattue d'une balle. Bon, pas besoin de te dire qu'il n'y a pas une seule biche rose dans mon livre. Ils m'ont fait faire le tour. Ils m'ont célébré, les critiques étaient dithyrambiques, les chiffres de vente ont explosé, on m'a proposé plein de fric pour les droits d'adaptation au ciné. Mais moi, je trouvais que ce roman n'était simplement pas assez bon. J'existais même en présentoir en carton dans les librairies choisies. Hein. Fille avec chemisier strict et lunettes en écaille, refusant de sourire de manière arrogante. Le monde entier voulait me persuader du fait que j'avais créé un chef-d'œuvre. Mais moi, je ne me trouvais simplement pas suffisamment bonne. Et je me demandais alors, maintenant, qui a raison? Moi ou le marché? Bonne question. Question que je me pose tous les matins. Mais je me demandais, est-ce que je peux continuer à écrire sans fâcher les fantômes de Flaubert, et Kleist, et Miller, et Barnes, et Fitzgerald, et Wallace, et Wolff, et Nabokov, et Genet, et Beckett, et Camus, et Dostoïevski? La réponse était non. Et donc j'ai laissé tomber. Et tout le monde a cru que tu étais folle. Ma propre ambition est signifiée par mon échec. Mais où est-ce qu'on arrive sans ambition? Un renoncement chevaleresque. Il ne s'agit pas des destins individuels ici. Il ne s'agit pas de savoir si l'auteur arrive à payer son loyer, si l'auteur est capable de se lier avec un partenaire attractif, de présenter sa gueule dans des talk shows, de poser le label abouti et réussi sur sa vie. Il s'agit de littérature. Et là, on s'arrête de rigoler. Donc tu as changé de bord et tout le monde te déteste. Et tout le monde me déteste. Tous. Moins un Elias. Merci. Tu veux parler de Sacha? Non. Oh. Mais pourquoi tu guettes dans le noir, là, comme un puma? T'étais où? Bon, eh oh, l'Inquisition, eh. Chez quel contemporain as-tu été cette fois pleurer et te plaindre que je veux te kidnapper et te traîner dans le désert? Il s'est passé quelque chose? Tu n'as jamais sérieusement envisagé de déménager en ma compagnie avec moi? Agnès. Bien sûr que non. Un avorton trop gâté qui aime traîner dans les vernissages, que non. Ferait-il à la campagne? C'est pas ça. Alors c'est quoi? C'est plutôt oui, mais en même temps... J'ai juste exprimé des doutes. Auprès de tout le monde, sauf moi. Mais t'aurais pu en parler avec moi. Non, j'aurais pas pu. Ah non? Non, on peut pas parler avec toi, pas c'est, vraiment. C'est quoi ce blabla de psy maintenant, là? Bah tu vois, qu'est-ce qu'il y a à la campagne? Que des fachos et des idiots. Ah, maintenant tu poses avec cette arrogance typiquement citadine, un regard condescendant sur le simple peuple. Non mais toi, précisément toi, t'en auras tellement vite marre d'eux. Tu les détesteras, et pire encore, ils te détesteront. Ils te chasseront du village après t'avoir fait subir les plumes et le goudron. Tu parles toujours d'eux et du village. Moi, tu vois, je vois plutôt du néant, du brouillard, du paysage, des vaches, du néant. Mais le néant, ça n'existe pas. Partout où tu iras, ils seront toujours déjà là. Qui? Les gens, Agnès. Les gens. Parfois, ils sont en petit groupe, parfois en groupe plus important, mais tu dois te faire une raison. Tu fais partie d'une communauté. Et moi, j'aime bien la communauté dans les villes. Parce que s'y rassemblent tous ceux qui ne s'en sortent pas ailleurs. Toutes les brebis galeuses, ceux qui ne sont pas acceptés par leur famille d'origine parce qu'ils sont trop peu virils ou trop rêveurs ou parce qu'ils ne poursuivent pas les bons objectifs ou qu'ils n'en ont aucun. Et c'est ça que tu veux quitter, maintenant? Mais moi, je trouve que c'est de l'auto-sabotage, de la régression. Tu penses que ça va être super, mais je te le dis, ça va plutôt être terrible. Et si c'est ce que tu veux, alors vas-y, je t'en prie. Mais moi, en fait, je n'en ai pas envie. Mais pourquoi tu me dis tout ça seulement maintenant? Mais parce que je voulais pas te blesser. Pas me blesser, hein. Merci, c'est très réussi, hein. Or, tu lances le grand débat de la concurrence entre ville et campagne. Alors que la chose est simple, tu me suffis, mais moi, je ne te suffis pas. Je te suffis seulement parce que tu ne supportes pas tous les autres. Ce n'est pas de l'amour, c'est plutôt une sorte de palliatif. Et ça fonctionne seulement via le désir, et beaucoup moins via la reconnaissance. Ça, j'ai compris. Quoi? Je supporte tes taquineries depuis une éternité. Les perpétuels commentaires, ces soupçons de baiser tout ce qui bouge, comme si j'étais le dernier des chiens en rut. J'y peux rien, moi, si toutes les femmes, vraiment toutes, se la tentent avec moi. Mais c'est à sens unique. Ce que tu refuses de croire venant de moi, je peux me tuer à répéter la même chose, je ne suis pas crédible. Parce qu'il faut que je corresponde à une image. Tu viens pas à la campagne avec moi? Je sais pas. C'est vraiment beaucoup exigé de moi que de me demander de me fixer si clairement. Après tout, je suis pas encore... Pas encore quoi? Eh ben, j'ai des possibilités. Et pas moi, ou bien quoi? Tu les avais. Et je n'en ai pas profité? C'est toi qui l'as dit. Tu te moques de moi derrière mon dos. Je me suis vraiment pas moqué de toi, vraiment pas. Non, non, non, tu n'en es pas capable, hein. Pour ça, il te manque l'humour. Allez, on va pas devenir méchant maintenant, hein. C'est pas constructif. Ouais, mais me rabattre les oreilles avec tes discours touffés, ça c'est constructif, hein. Que toi, espèce de pleutre ramolli, hein, tu n'arrives pas à prendre position par rapport à quoi que ce soit, hein. Ça c'est constructif, hein. Que tu te laisses emballer par n'importe quelle gourde, hein. Que tu te donnes confiance à n'importe quel idiot, que tu te précipites vers n'importe quel connard, hein. Les bras et les oreilles grands ouverts, hein. Que tu sois simplement trop bête pour tenir à distance tous ces branleurs manipulés. Tu penses toujours le pire de tout le monde, parce que tu détestes les gens, et moi, j'aime les ouais, gens. Ouais, tu aimes les gens. C'est ça le problème. Non, non, non, le fait que ce soit le problème, c'est ça le problème. Et pourtant, je suis quelqu'un de tellement humain. Ouais, ça va, à peu près. Donc tu viens pas à la campagne avec moi? Je sais pas. Non. T'es contente? Non. Fanny, qu'est-ce que tu prépares, là? Je déménage. Oh, sois pas débile, assieds-toi, prends un café, redescends. Je te fais aucun reproche, je t'ai déjà pardonné. Tu captes vraiment pas, Agnès. Tu m'as mise sur écoute. Oh, ça va! Tu m'as mise sur écoute! Ah, Adrien, oh, je t'embrasserai bien, mais j'arrive plus à me lever de ce pouf. Eh ben, t'embête pas. Oh non, mais imagine, Fanny a pété les plombs et déménage. Ah, vraiment? Et pourquoi donc? Ouais, je suis venu pour te dire au revoir. À jamais. Quoi? Agnès, c'est fini. Oh, tu vas quand même pas piétiner et balancer à la benne une amitié de 25 ans à cause d'une ridicule petite différence d'opinion. Non, pas une différence d'opinion, Agnès. Haute trahison. Bah, tu ris? Je m'en vais. Oh, what the fuck, ce qui se passe avec les gens, là? Ah, Orlando. Au milieu du désert, il y a une brasserie. Et là, on voit de tristes mines. Et chacun de se demander, mais comment faire pour se casser? Comment faire pour se casser? Au milieu de l'océan, il y a un feu qui nage sur le dos d'un monstre hors calibrage. Et là aussi, chacun de se demander, comment faire pour se casser? Comment faire pour se casser? Impasse de mes semblables, enfouissement chez la mer, léthargique et incapable. Impasse de mes semblables, enfouissement chez la mer, arrogance. Arrogance! Arrogance au petit matin! Ah! Au milieu de la terre, habite un ver, pointe son nez dans l'hiver, et se demande comment faire pour rester, pour entrer, pour entrer, pour entrer! Un passe de mes semblables, enfouissement chez la mer, léthargique et incapable! Un passe de mes semblables, enfouissement chez la mer, avoir honte pour autrui, ça rend les joues rouges, les joues rouges, les joues rouges, les joues, les joues. Une chanson plutôt pas mal, hein. Bon, si on néglige le fait que le punk est mort depuis belle lurette. Mais c'est assez convaincant au niveau du texte, cryptique, oui. Presque néo-dadaïste. Oui. Mais tu vois ce que tu peux atteindre avec un peu de colère et de sincérité? Je suis seulement venu pour te dire que je retire ma plainte. Ah, je me réjouis du fait que tu échappes ainsi à la sensiblerie maladive. Je l'ai fait parce que je te considère comme malade, gravement dérangé, hein. Trouble de l'empathie. Et les personnes dérangées ont besoin de notre pitié et non pas de persécution juridique. Et pourtant, il faut savoir maintenir une distance avec elle. Donc, je pars en voyage. Et où ça? En Espagne. Voir mon père. Ton quoi? C'est précisément de ça dont je parlais. Fils! Marche droit. Dit la mère crabe. Je le ferai dès que tu marcheras droit toi-même, répondit le jeune crabe. Mais malgré tous ses efforts, la mère n'y parvint pas. Ta gueule. Est-ce que Sacha est là? Sacha, tes groupies sont arrivées! Mais qu'est-ce que c'est que ce sac, là? C'est fini. Serait-il possible qu'elle nous laisse seule un instant? Ah, nous la joue pas intime, là. Bon, ne sois pas têtu, Sacha. Alors, écoute, on va pas déménager à la campagne, hein, si t'en as pas envie. On va rester ici. Ici, dans ce marécage de bassesse humaine, au purgatoire du propos stupide et du passage de pommade. Hein. S'il te plaît, tiens, voilà, accepte ce sacrifice. Non, non, non. On ne va nulle part et on ne reste nulle part. On dissout le on. Sacha, je te pardonne. C'est très gentil de ta part, hein, mais pas moi. Mais qu'est-ce que tu aurais à me pardonner? Mais tout ce que tu as dit hier... Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit. Bête, dépourvu d'humour, avorton... Pleutre ramolli. Attends, tu me mens par rapport à notre avenir commun et moi j'ai dit deux ou trois choses. Oui, mais c'était des choses très méchantes. Moi aussi j'aurais pu dire des choses méchantes, des choses très très méchantes, mais je l'ai jamais fait. Parce qu'en fait, je t'aime. Enfin, je t'ai aimé. Et dans ce cas-là, on ne fait pas ça. Parce que quand on aime la personne en entier avec tous ses défauts et ses lubies. Je sais bien que je suis pas aussi drôle et prompt à la répartie que tes amis et que ici aussi j'ai beaucoup marqué de points avec le physique. D'un côté, c'est flatteur, merci. De l'autre, c'est aussi assez triste. Bon, quoi qu'il en soit, je te souhaite de redresser la barre. Comme tu pourras. À plus. À plus. À plus. Sacha. sèche. Et toi, tu veux pas te casser non plus? Non. Pourquoi? Ah bah évidemment, hein, où est-ce que t'irais? T'es SDF, hein. C'est faux. J'ai fait le choix de ne pas être sédentaire afin de maintenir mon esprit en éveil. Ah, pour quelqu'un qui a fait le choix de ne pas être sédentaire, t'es capable de passer pas mal de temps immobile sur le canapé, hein. Allez, Agnès. Je vais déménager à la campagne. Il y a aussi des gens à la campagne. Ouais. Mais moi... Ça fait aucun sens sans lui. Parfois, je suis assez content. De quoi? D'être le marié de la vérité. Et comment est-ce qu'il voit les choses? Qui? Bah, lui, là, en bas. Alors, mon petit, est-ce que toi aussi, tu es un marié de la vérité, hein? Tu parles à mon pénis. Non, je veux pas de ça. Je crois qu'on lui parle pas assez. Je veux pas de ça, s'il te plaît. Oh. Ah, d'ailleurs, ta mère a appelé. Quoi? Bien le bonjour, et quand est-ce que tu penses devenir un membre à part entière de la société? Ah, c'est une blague. As-tu une mère, un père, une sœur, un frère? Ces choses-là ne m'intéressent pas. Un paysan se rendit compte un jour que l'artichaut était devenu tellement épineux et hostile qu'on ne parvenait plus à le toucher. « À peine croyable, » dit le paysan. « Quand tu étais petit, tu étais si doux et si lisse qu'on pouvait te toucher avec plaisir. Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver ?»« J'ai fait comme toi, » dit l'artichaut. « J'ai suivi la loi de ma nature et j'ai fini par ressembler à mes ancêtres et à tous les artichauts de mon espèce. »« Mais je ne veux pas finir par ressembler aux artichauts de mon espèce. » »« Alors laisse tomber. » »« J'en ai marre de ces hommes. » Marre de ces femmes, marre de ces stars de la pop qui sauvent l'Afrique à coups de concerts de charité, marre de ces allergiques, marre de ces hystériques, marre de ces boys issus de la diversité qui se la jouent Bronx à Hawaii, Nickel Sud et qui crachent leur rap en culeur et prépubère sur toutes les radios, marre de ces féministes qui frottent leurs prunes ratatinées toute la sainte journée sur les fauteuils de talk show, marre de ces boycotteurs d'IKEA, sûrs de leur goût avec leurs vieux appartements pleins d'antiquités vermoulues, marre de ces hipsters, marre de ces beaufs, marre des gens de gauche, marre des gens de droite, marre du centre à la con, marre de ces couples éclairés, polyamoureux qui se permettent plein de compréhension mutuelle, de petites amours secondaires qui se la racontent l'un à l'autre la nuit dans leur cuisine design, avant de se mettre dans leur large lit de couple éclairé, plein de compréhension, sculpté par des Indiens de Bolivie pour faire l'amour avec plein de compréhension mutuelle, comme les couples éclairés, marre de ces grosses qui passent toute la journée devant des séries américaines et super intelligentes, et qui rêvent qu'un docteur sexy surgisse de l'écran et les aime autant qu'elles le méritent, eu égard à leur beauté intérieure, marre de ces Allemands qui pleurnichent sur leur propre identité coincée, et qui croient qu'un cours de salsa, un amant italien ou un livre de cuisine indienne va les transformer en citoyens du monde heureux de vivre. Marre de ces tantous de la télé complètement aïe et qui se ridiculisent pour la nation des téléspectateurs en remplissant le quota de grandes folles. Marre de ces jeunes hommes avec leur manie de cracher et de poser. Marre de ces vieilles tantes avec leur bavardage et tout soudage. Marre de ces retraités, marre de ces bébés, marre de ces hétéros, marre de ces pros, marre de ces... avec le festival La Mousson d'été. Avec Agnès Johanna Nizard, Fanny Maud Le Grévelec, Orlando Glenn Maros, Sacha Grégoire Lagrange, Annabelle, Camille Garcia, Cordula, Marie Lévy, Adriane, Quentin Bayou, Elias, Julien Masson. Musique originale, Olivier Long. Conseiller littéraire, Guillaume Poix. Prise de son, montage et mixage, Mathieu Leroux et Claude Niort. Assistant à la réalisation, Alexandre Doll. Réalisation, Baptiste Guiton. Enregistré en public à la Mousson d'été, le 24 août 2017.